Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu lundi aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée contre l'introduction dans les eaux de la péninsule coréenne de la flottille de porte-avions nucléaires américains. En voici le résumé. Les États-Unis viennent d'expédier en urgence dans les eaux de la péninsule coréenne la flottille de porte-avions nucléaires Calvinson, ce qui montre la dangerosité des menées de l'agression téméraire américaine contre notre République. Si les États-Unis veulent le choix militaire en parlant de la première frappe et de l'élimination de notre direction, nous sommes prêts à nous opposer à n'importe quelle riposte américaine. L'actuelle situation critique montre nettement combien nous avons bien fait d'avoir développé par tous les moyens la capacité d'autodéfense et de la première frappe tout autour des armements nucléaires. L'administration de Trump parle de la paix par la force des armes et introduit successivement les moyens de frappe stratégique dans la péninsule coréenne afin de nous faire fléchir, mais cela ne nous surprend nullement. La puissante armée révolutionnaire Baek-Tusan, dotée des potentiels militaires inépuisables, ne manquera point l'occasion pour éliminer la bande des infâmes agresseurs par les feux nucléaires de la justice et réaliser la cause de l'unité nationale. Jamais nous ne quémanderons la paix et nous nous opposerons catégoriquement à tous les provocateurs pour défendre le pays et notre cause par nos propres forces. Nous obligerons les États-Unis à prendre toute la responsabilité de toutes les conséquences catastrophiques de leur témérité.